diamant. Elle m'a rendu bête, c'est mon petit diamant. Elle m'a rendu bête, tout ce qu'elle veut, je lui donne, je ferai tout pour elle. Tout ce qu'elle veut, je lui donne, je ferai tout pour elle. Yeah. Grand-mère est partie, yeah. J'perds goût à la vie. Un an plus tard, yeah. Retrouve la raison de vivre. Quand je l'ai porté, le monde n'était qu'un détail. Oh, yeah. Son premier regard m'aide à sortir d'un détail. Oh, yeah. Qu'elle mange à sa faim, yeah. C'est mon rôle de père. Oh, yeah. Des étoiles dans les yeux sur elle et sa mère. Yeah. Son sourire n'a pas de prix. No, no. Ma reine et ma princesse. Yeah. C'est mon petit diamant, elle m'a rendu bête. C'est mon petit diamant, elle m'a rendu bête. Tout ce qu'elle veut, je lui donne, je ferai tout pour elle. Tout ce qu'elle veut, je lui donne, je ferai tout pour elle. Quand elle grandira, je lui parlerai des hommes. Plus tard, maman lui apprendra à être une femme. Et je lui dirai de faire confiance qu'à sa famille. Qu'à part nous, personne viendra quand elle criera famille. Elle m'aimera comme je suis, peu importe ce que je fais. Elle et moi, oui, on se sait. Comme moi, elle fait ce qui lui plaît. Telle père, telle fille, comme moi, elle fera des jaloux. Comme moi, elle sera nonchalante, soudoyée, insolente. C'est mon petit diamant, elle m'a rendu bête. C'est mon petit diamant, elle m'a rendu bête. Tout ce qu'elle veut, je lui donne, je ferai tout pour elle. Tout ce qu'elle veut, je lui donne, je ferai tout pour elle. C'est mon petit diamant, elle m'a rendu bête. C'est mon petit diamant, elle m'a rendu bête. Tout ce qu'elle veut, je lui donne, je ferai tout pour elle. Tout ce qu'elle veut, je lui donne, je ferai tout pour elle. Avant qu'elle naisse, yeah. J'avais le moral en baisse, sa voix qui m'apaise, yeah. Juste en cas de détresse, elle écoute ce que je lui dis mais ne fait pas ce que je fais, yeah. Si maman te dit oui, peut-être j'irai non, ne m'en veux pas, non, ne m'en veux pas, tout ce que je fais là c'est pour nous, te voir sous tes plus beaux jours, je veux quitter ce monde, avant toi, pas après toi, et le fait d'y penser, j'ai mal au ventre, je m'en mettrai pas. C'est mon petit diamant, elle m'a rendu bête. C'est mon petit diamant, elle m'a rendu bête. Tout ce qu'elle veut, je lui donne, je ferai tout pour elle. Tout ce qu'elle veut, je lui donne, je ferai tout pour elle. C'est mon petit diamant, elle m'a rendu bête. C'est mon petit diamant, elle m'a rendu bête. Tout ce qu'elle veut, je lui donne, je ferai tout pour elle. Tout ce qu'elle veut, je lui donne, je ferai tout pour elle. T'as aimé le son? Oui. Je commence à avoir faim là. Tu veux manger avec moi? Oui. Viens manger. Bravo! Bravo, Ricky.